Interview 26 minutes plus tôt. Le fromage à raclette. 26 minutes plus tôt est un faux magazine d'actualité hebdomadaire qui est présenté par Vincent Cucholi et Vincent Veillon. Les thèmes traités sont des actualités et faits en Suisse et dans le monde, souvent de tendance satirique. La vidéo que j'ai choisie s'occupe d'une fête du fromage à raclette qui se tiendra à Bagne. Sous forme d'interview, l'invité fictif Jean-Maurice Perrault raconte de la région de Bagne et de son travail comme fromager. On remarque son accent qui est assez inhabituel et difficile à comprendre. C'est pourquoi je n'ai pas toujours saisi ce qu'il disait. Par son accent et son comportement, l'invité présente des clichés et préjugés que les Suisses ont des montagnards. Il utilise plutôt un langage familier. Déjà au début, l'interrogé coupe la parole au intervieweur pour préciser l'endroit où il habite. Par ses réponses courtes, on remarque que l'intervieweur a l'intention de continuer l'interrogation. Il semble soulagé quand il arrive à poser la première question. Mais Maurice Perrault continue à se perdre dans des explications superflues. Il raconte par exemple « Mon père fabriquait du fromage à raclette, mon grand-père fabriquait du fromage à raclette, mon arrière-grand-père fabriquait du fromage à raclette. Mon arrière-arrière-grand-père fabriquait du fromage à raclette. » Ce qui est clair quand il se traite d'une tradition familiale. Le fromager atteste par son comportement que les montagnards ne se repèrent pas dans un milieu intellectuel et au reste du monde. En conclusion, on peut dire qu'on n'apprend pas beaucoup de la fête du fromage à raclette à cause des réponses superflues et non pertinentes de l'interviewé. L'extrait utilise des exagérations pour présenter les clichés que les Suisses ont des montagnards. C'est plutôt l'interviewé qui dirige l'interview. Il semble que l'interrogateur n'arrive pas à poser des... Il semble que l'interrogateur n'arrive à poser que quelques questions.